Patrick Robier, merci de venir. Donc, merci à vous. Merci beaucoup d'être là. C'est ce matin, on est même Marcel Jean, petit déjeuner. Ça commence. Je vais essayer d'asseoir tranquillement. Ça commence à la Cambre. Tout commence à la Cambre ou même un peu avant la rencontre, l'animation. Pour vous deux. Bon, pour aller vite, ça commence à la Cambre. C'est là où il y a les premières images aussi d'un style très, très particulier, évidemment. Alors, des piquets André, et une espèce de folie. Ça, quand vous êtes à la Cambre et quand vous présentez ce genre de projet, ils hurlent de joie en disant c'est trop bien, enfin, c'est une folie qui arrive. Et, ou alors, est-ce qu'il y a des réticences un peu? Bon. Non, je crois que assez vite, ils nous ont laissé dans notre coin faire notre truc. Et puis, ils se sont rendus compte qu'on avait un petit peu tendance peut-être à faire un petit peu, à rester tout le temps sur les mêmes rails, ils nous invitaient quand même. C'est comme ça que petit à petit, on s'est aussi amusé à toucher un peu à tout, plasticine, papier découpé. Et puis, assez vite aussi, on s'est rendu compte que nous, on aimait bien le cartoon traditionnel et... Mais le truc, c'est qu'on était un peu biais, quoi. Quand on est arrivé, on ne savait même pas comment ça se faisait, un film d'animation. Et un peu naïf comme ça, on pensait qu'on pourrait faire des cartoons. Assez vite, on s'est rendu compte que c'était quand même assez laborieux, quoi. Donc, du coup, on a choisi des solutions pour raconter plus facilement les histoires et de rester dans un truc un peu de spontanéité, quoi. Voilà. Oui, ça, on sentait, c'est vraiment très important chez vous, quand même, cette idée de... Peut-être pas prendre trop de temps, en tout cas, voilà, d'avoir une animation pour raconter vos histoires, vos délires. Enfin, ça, c'est fondamental encore aujourd'hui. Ben, en fait, pour revenir à la Cambre, on avait le chef d'atelier qui il avait vraiment une personnalité très, très forte. Et il nous disait chaque fois l'animation, ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc, ce que vous devez faire, c'est faire un minimum d'efforts pour un maximum de résultats. Et on a essayé d'appliquer. Assez régulièrement ce truc à la lettre. Mais c'est quand même, je vois ça, c'est quand même à part, même dans ce qui se faisait à la Cambre à l'époque, quand tu disais, ben, on nous a mis dans un coin, enfin, si je me souviens un petit peu de ce que je peux voir, même en plasticine ou quoi, de l'époque de la Cambre, il n'y a pas le côté finalement des films d'étudiants où c'est plutôt assez drôle ou assez barré comme ça, il n'y a pas tant que ça, si, peut-être la Cambre est un peu différente. Mais quand même, on a eu la chance, on était dans une période où il y avait, enfin, par exemple, il y avait Rémi Belvaux, celui qui a réalisé... Par la suite, c'est arrivé près de chez vous. Il a fait une année. Il est rentré en même temps que nous à la Cambre. Et il était venu avec un copain à lui et qui étaient tous les deux. Ils étaient très drôles et ils inventaient des histoires assez étonnantes. En fait, les premiers exercices qu'à la Cambre vous demande, bah, dans plein d'écoles d'animation, c'est de faire une transformation. Et Rémi, il avait fait une bagarre avec un combat entre deux boxeurs. Et directement, il a compris qu'est-ce qu'on pouvait faire d'intéressant que de l'animation. Ça partait dans vraiment des transformations. Mais c'était pas juste des bêtes transformations, c'était des gags en même temps. Et quand on a vu ça, c'est un petit peu... Parce que nous, franchement, la première année, on tournait un peu en rond. C'est pas exactement... Nous, on était passionnés de bande dessinée. Et apprendre le cinéma d'animation, c'était en se disant, peut-être qu'on pourra jamais faire de bande dessinée, donc on saura... Peut-être qu'on va juste apprendre un métier qui nous permettra de dessiner. Et le fait de rencontrer des gens comme Rémi, il y a encore d'autres gens, il y a Guillaume Leroy qui arrive un peu plus tard, il y a Kim Kekeler, il y a vraiment plein de gens. Vincent Lavacherie, il a un peu perdu, mais il a fait un film assez culte qui s'appelait La récompense de Gringalette. C'était un petit garçon qui allait se faire soigner chez un dentiste et il arrachait toutes les dents. C'était super trash. Et de nouveau, bah, les types à la Cambre, ils ne s'attendaient pas à ça parce que... Ça s'appelait quand même cinéma expérimental d'animation, mais ils ne s'attendaient pas à des trucs pareils. Enfin bref, c'était une période assez marrante. Il y avait une vraie liberté à la Cambre, oui. Qui a peut-être sûrement aujourd'hui peut-être un peu différente quand même. Il n'y a pas cette même liberté-là. Vous aviez plus de possibilités. Ouais. Non, je crois que c'est des trucs un peu cycliques aussi. Hein. Il y a des états d'esprit qui sont un peu différents chaque année. Mais sinon, le principe est assez le même en fait. Il y a du matériel, on est livré à nous-mêmes. Enfin, mais ce qui est intéressant, c'est l'échange qu'il y a entre les étudiants, entre les profs. Enfin, voilà, il y a des discussions, des trucs que on se nourrit comme ça de choses et d'autres. Et l'équipe, vous disiez, les rencontres sont fondamentales. On sait, on va avoir trouvé, pour nous, parce que c'est évidemment un personnage qui est connu, qui est Benoît Poulvord, qui est un acteur évidemment très très connu aujourd'hui. Mais il y a Vincent Tavier, producteur qui est fondamental, je pense, dans votre travail. Je sais quand moi j'ai déjà l'intérêt de faire, bah oui, on essaie de les mettre dans leur dans une espèce de bulle pour qu'ils travaillent de leur côté, essayer de moins leur parler d'argent ou de choses comme ça, essayer. Ça, c'est vraiment important de, d'avoir ce, ce microcosme autour de soi. Oui, et c'est marrant, maintenant que je pense, finalement, c'est encore ce film C'est arrivé près de chez vous qui a amené pas mal de choses. Parce que, voilà, nous, Vincent, il devait jouer dans le film, il n'a pas eu le temps, enfin, il n'était pas là. J'étais un petit. Et donc, ils ont juste utilisé son nom, puisque Ben dans le film s'appelle Ben Patard, et moi, je me fais tuer en 24 secondes. En 24 images, même pas une seconde. Et du coup, bah, on a rencontré Vincent Tavier qui produisait C'est arrivé près de chez vous. Et par la suite, régulièrement, on se voyait, on allait boire des coups. Et puis, on se voyait des concerts, puis on parlait de choses et d'autres. Et lui, il avait envie de continuer la production après C'est arrivé près de chez vous, parce qu'ils s'étaient un petit peu séparés. Chacun était un peu parti de leur côté. Et donc voilà, il nous a donné des coups de main. Au début, quand on faisait des pic-pic André après la Cambre, on allait systématiquement lui montrer nos storyboards pour avoir un avis. Même chose pour Guillaume Malandrin, un copain qui travaillait. Et voilà, de fil en aiguille, ben, il nous a donné des coups de main. Il a travaillé avec nous sur un vidéoclip qu'il a produit. Et puis voilà, ça s'est fait assez naturellement jusqu'à Panic au Village, où là vraiment ça a pris, c'est devenu beaucoup plus professionnel. J'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément de fait du dessin, d'animation, mais qu'il n'y a pas forcément de frontière entre la prise de vue réelle, l'animation. Enfin voilà, vous avez fait un peu de prise de vue réelle, non? Il y a un faux docu, oui. Et là, c'est ça, il y a un faux documentaire ou quoi. J'ai l'impression que voilà, le médium est là pour s'exprimer, puis que ce soit une technique, que ce soit la prise de pseudo. Finalement, ça n'a pas tant d'importance que ça. Enfin, ça a de l'importance, pardon, mais c'est vraiment aussi le encore une fois. Oui, bah, ça dépend un peu ce qu'on veut raconter, quoi. Oui, je sais pas, moi. Oui. Voilà, tu utilises. Ouais, si tu bois un café, tu prends pas un verre, tu prends une tasse, ou. Enfin, je sais pas. Donc, c'est un peu. Mais sinon, on a toujours bien aimé jouer avec les matières, différents trucs, papier découpé, dessin. Le dessin, de toute façon, nous, on est resté amoureux du dessin parce qu'on vient de là. Et c'est vraiment la base. D'ailleurs, dans, je vais dire, deux tiers du travail de Panic au Village, c'est que du dessin. C'est que ça. Il y a, avant d'attaquer le tournage, c'est que des dessins, des listes de dessins. Parce qu'il y a. Enfin, voilà. Tu vois, s'il faut faire une liste des props et tout ça, c'est toujours des petits dessins, toujours des listes qu'on met au mur. Donc c'est toujours des petits crobards partout, à gauche, à droite. Et voilà, c'est. Donc même les recherches des scènes, par exemple, vous ne prenez pas les personnages, c'est toujours le dessin qui prime. Ça, c'est important. Donc. Oui, ben, quand on fait un épisode de Panic, forcément, pour raconter l'histoire, on n'écrit pas, on la dessine. Et comme on la dessine, on met en place les personnages, donc on sait déjà un petit peu comment les figurines, quel type de figurines on aura besoin. Et tout, comme dit Vincent, tous les objets, tout l'environnement dans lequel ils seront, on commence à le dessiner. Là, pour le prochain, on a fait beaucoup de dessins de préparation pour situer un peu l'univers, dans quoi est-ce qu'on va les installer. Voilà. Et même. Oui, pardon, mais c'est juste. Pour chaque attitude, évidemment, de cow-boy, indien, cheval, enfin, tous les personnages, ils sont aussi dessinés. Donc, on dessine toutes les attitudes avant de les mouler, de les faire en volume. Et même à l'époque, il n'y avait pas forcément. Parce qu'aujourd'hui, vous moulez les personnages, alors qu'à l'époque, c'était plutôt acheté, c'est ça, sur les marchés, si je me souviens bien. Vous avez, et même là, il y avait quand même des recherches dessinées, même sans savoir ce que vous allez peut-être trouver comme modèle. Et comme... Oui, oui. C'est vrai qu'au début, c'était plus. Influencé par les figurines qu'on trouvait dans les brocantes, et on essayait de trouver des solutions à partir du corps d'Indien qu'il y avait. C'était un peu. En fait, c'était plus. Les figurines étaient plus les maîtres que nous dans ces trucs-là. Et puis là, on s'est créé des personnages types de cow-boys, d'Indiens et de cheval, donc vraiment des références qu'on a pu multiplier en différentes versions. Et puis quand ils sortaient du moule, comme c'est une résine qui est encore. Molle quand elle sort du moule, on peut modifier le personnage, changer son attitude, son bras, ses jambes, en fonction de ce qu'on a besoin. Alors, bah, évidemment, regardez un petit peu. Comment ça, bleu? qu'est-ce que c'est encore ça? Ah, c'est vous, facteur. Ah, comment allez-vous? Ah, oh, ben ça va bien, ça va bien, ça va bien. J'ai répondu pour toi. Ah oui, bon, j'arrive tout de suite. Merci. À demain. Au revoir, facteur. Au revoir. Ok, tour de l'un, Elie. Qu'est-ce que c'est, cheval? Pour moi. Bon, venez, on va chercher des jeunes maintenant. Allez, vite, vite, cheval. Ouh. Bonjour, oui. Paul. J'avais des nœuds. Mais j'en ai plus. Bonjour. Oui. Avez-vous des nœuds, Janine? Non. Il était pas bien, celui-là. Il était pas bien. Je sais pas ce qu'ils étaient passés avec lui. Désolé. Vous avez des œufs? Hé, va, arrive! Hé, ça va aller, oui! Qu'est-ce que vous avez des œufs? Un premier qui me reste! Voilà! Ah. Oh. Mais, je suis vraiment désolé, hein! Quelle connasse, cette vache! Ça va, c'est là? Oui, ça va. Où est le cowboy? Il est ici. Sors de là, cowboy. Je viens avec. Indien, ouvre la porte. Oui, c'est là. Oh, c'est pas moi. Attends un peu. Oui, non, évidemment, c'est un peu compliqué de réunir tout le monde en même temps. Non, ce qu'on fait en général, c'est une bande brouillon avant pour l'animatique. Et là, on travaille souvent, bah, forcément Stéphane, moi, et puis, puis Bruce, parce qu'il habite pas loin, que, donc il vient souvent aussi faire la diane. Oui. Et puis après, Vince, il va faire aussi des voix qui sont évidemment mises à la poubelle après. Quand, mais c'est, voilà, c'est... Et puis alors après, donc, quand on a l'anime, bah, on fait venir les gens les uns après les autres. Et puis, mais c'est vrai que l'idéal serait pas mal, effectivement, quand il y a des interactions et tout ça, de jouer tout devant le micro avec tous les comédiens. Mais bon, ça, c'est un peu, c'est vrai, c'est un peu compliqué. Ça fonctionne incroyablement bien. Je ne regardais pas l'écran et je voyais, alors bon, évidemment, vous aviez les images en tête, mais même mon, rien que la bande-son fonctionne, mais enfin, de manière incroyable. Ouais, moi je suis d'accord, c'est vrai qu'on pourrait même faire des épisodes de Cowboy Indien juste avec le, à la radio. C'est, mais bon, mais ce serait intéressant parce que là, ici, comme on avait l'image, du coup, il y a des choses qui sont impossibles à comprendre sans l'image, mais ce serait intéressant d'essayer de raconter une histoire où vraiment qu'on arrive à transmettre l'image, mais juste par le son. Mais nous, déjà, quand on écrit, on a... quand... Il ne va pas, celui-là. Ouais, mais je vais te parler à moi. Mais oui, on a... mais c'est plus ce que je voulais dire. On parlait de la bande-son. Et oui. Le fait que la bande-son, en fait, puisse... Mais en fait, oui, pour nous, la bande-son, c'est 50% du film. Et quand on écrit, qu'on fait le storyboard, on a déjà, même au niveau des voix, au niveau des bruitages, on a ces bruits qui participent aussi à l'écriture quand on pense à l'histoire. Et donc, c'est vachement important. Quoi. Nous, on pense tout le temps au son et en même temps que le dessin. Quoi. C'est marqué sur le scénario? Oui, c'est marqué dans le scénario. Vous avez alors l'indication... Non, c'est... Ouais. Oui. En fait, on a... Une grosse influence, Vincent et moi, il y a plein de gens, chaque fois qu'on en parle, c'est une bande dessinée qui s'appelle Petsy. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est une bande dessinée danoise, c'est vieux, des années 50-60. Et c'est une histoire avec un ours, un pingouin, un pélican et un morse qui s'appelle Amiral. Et puis il y a d'autres petits personnages secondaires. Et, c'est chaque fois des cases, c'est 6 cases par page. Et il n'y a pas de bulles dans les cases. Tout est écrit en dessous. Et il y a chaque fois un cachet avec la tête du personnage qui parle. Et ça, on aimait vraiment bien ce truc-là parce que ça dégageait complètement l'image. Donc on pouvait vraiment profiter au maximum de tous les détails qu'il y avait de ce que faisait le personnage. Et c'est la même chose quand on fait les storyboards. Ben on met les bruitages, on met la bande-son en dessous. Ça, c'est vraiment un truc qui vient assez naturellement. Et c'est chouette aussi de... On peut même inventer, avec les lettres, on peut inventer, imaginer quel genre de bruit ça ferait. Avec les lettres? Oui, c'est t'inventes des mots avec des lettres. Quoi, oui, c'est ça, d'accord. Trucs, ouais. Avec mais parfois, t'arrives à des trucs vraiment bizarres. Oui, c'est juste en repère, mais on imagine quand même. Oui, il y a le passage au long métrage, avec évidemment toujours Panique au village. C'était une évidence que c'était Panique au village, parce qu'il y a les... On pourrait regarder, il y a les Balthus aussi, il y a d'autres personnages, il y a Piqué André. Quand vous êtes passé au long métrage, l'idée de se dire oui, c'est forcément eux qui vont passer, ces cowboys indiens. Bah, ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que la série, les 20 épisodes, là, ils ont été quand même, ils ont bien voyagé dans le monde. Et du coup, on avait une frustration à la fin de la série. On avait l'impression de rallonger chaque fois, d'épisode en épisode. Il y avait plus de... Enfin, comme c'était des 5 minutes, on devait jeter forcément des séquences au bac. Et donc voilà, donc on a d'abord pensé à 26 minutes. Et puis c'est Kaufman à l'époque qui s'occupait de la production avec Vince qui a dit non, mais les gars, à 26 minutes, autant faire un long parce que bon, financièrement, ça va pas coûter énormément. Parce que c'est vrai que Panique, ça coûte pas très cher. Donc du coup, voilà, c'est comme ça qu'on s'est lancé dans l'écriture du long, mais finalement on est revenu aux 26 minutes parce que c'est vraiment un format qui est parfait pour Cowboy Indien. Alors moi j'avoue que j'aime bien le long, je sais qu'il y a plein de gens qui étaient un petit peu déçus par rapport au format court de la série. Je trouve que le long a une folie qui moi me fait plus penser peut-être au Monty Python que peut-être les courts, il y a quelque chose d'autre, l'écriture elle était vraiment différente là. Ouais, moi je suis d'accord, j'ai revu, on avait présenté à Lille... Le long métrage à l'université, donc ça faisait quand même super longtemps qu'on l'avait plus revu. C'était marrant de redécouvrir un peu ce qu'on avait mis en place. Et effectivement, moi, c'est vrai quand il est sorti, puis on se disait est-ce qu'on n'a pas mis trop de choses dans ce film. C'est un peu vrai, mais en même temps, en le revoyant, je trouve qu'il y a quand même. Je trouve que même si c'est très punk, il y a un peu beaucoup de choses, il y a quand même quelque chose qui se dégage et qui. Je trouve qu'on rentre quand même dans l'univers malgré tout. Puis je trouve que vous prenez du temps, il y a une efficacité pardon, dans les 26 minutes, ça c'est évident, ça marche très bien. Et dans le long métrage, quelque part, on parlait tout à l'heure de Jean-François Mignoni, il y a des prises de temps dans le film, finalement, on se laisse plus aller au délire, même de regarder les paysages, de se faire plaisir à ça. Mais je trouve qu'on aurait peut-être même dû carrément virer une séquence et prendre plus de temps encore pour expliquer les choses. Par exemple, quand ils descendent dans le centre de la Terre, on aurait peut-être pu un peu plus calmer les choses. Il y a peut-être l'histoire du pingouin qui... je sais pas, il y a peut-être un truc en trop si on aurait pu se plus se concentrer sur le monde sous-marin. Mais voilà, maintenant, c'est trop tard. Est-ce que c'est aussi pour d'autres? Il peut y avoir d'autres longs métrages Panique au village? Non, les longs métrages, maintenant que vous êtes passé aux 26 minutes, c'est bien agréable et repasser un long métrage ou lancer dans la tête quand même l'idée du long? Non, de toute façon, je pense que pour Panique, le Ramac 26, ça marche super bien. Je vois pas très bien, je vois pas l'intérêt d'en faire un long. Mais on a un projet de long avec Pic-Pic André, mais qui dort un peu dans les tiroirs pour l'instant. Mais... On peut parler un petit peu, évidemment, de l'aventure. Alors là, je vous montre quelque chose. Je sais pas si vous étiez déjà sur place. Un RAC Célestine, évidemment, où là, vous avez... le pilote qui avait été présenté au Cartoon Forum, et vous avez même la musique de Goran Bregovic qui était prévue au tout départ, hein, le compositeur qui travaillait également énormément avec Emir Kusturica. J'ai faim. Alors évidemment, vous avez... J'ai faim. Elle est compliquée, surtout dans le long métrage, puisqu'il y a des compositeurs, même là, je ne vais pas jusqu'au bout, mais Bernard Mahler n'est pas le réalisateur encore à l'époque, il est concepteur de l'animation. Je pense que ça a surpris beaucoup de gens, voire le nom. Nous aussi. Comment ça s'est passé, l'aventure de Célestine? Je pense que Benjamin avait déjà pas mal bossé, donc oui, forcément, il avait déjà fait ce truc. Et puis, en fait, c'est le réalisateur qui a fait le pilote, qui a dit moi, je pense que c'est Benjamin qui doit réaliser le film parce qu'il avait déjà tellement travaillé sur les dessins, il sentait bien le truc, quoi. Et alors, quand Didier a dit ça à Benjamin, Benjamin, il a pleuré, il a dit non, je peux pas faire tout seul. Et donc, c'est à ce moment-là qu'en fait, Didier, avec Vincent Tavier, qui discutait de. Il dit tu connaîtrais personne qui pourrait épauler Benjamin pour. Et nous, on arrivait au bout de la post-prod de Panique. Et Vince nous dit, lisez le scénario, et puis vous verrez, vous voyez ce que vous en pensez. Et puis et Didier, en fait, quand Vince a dit, a parlé de nous à Didier, Didier a dit, ça peut être marrant, ça. Didier qui n'a pas peur de prendre des risques, il est peut-être un peu fou. Mais... Donc voilà, et nous, évidemment, en voyant le travail de Benjamin, les gens à Mont, c'était super... super passionnant de pouvoir participer à ce truc. Et donc voilà, on n'avait jamais évidemment touché à l'univers de quelqu'un d'autre comme ça, de Gabriel Vincent en l'occurrence. Et c'était une belle aventure, et surtout avec Daniel aussi, Daniel Pennac, qui était vraiment super sur le coup. Non, c'est intéressant d'en reparler, parce que Benjamin, on parle souvent de Benjamin Reiner, qui est évidemment là depuis très longtemps, et lui insiste vraiment quand on lui parle du film. De l'importance finalement des sessions de travail que vous avez ensemble, notamment au niveau du rythme du long métrage que vous travaillez, c'est ça sur les planches, sur les cases de storyboard dans un bon. Ça a été d'une grande importance. En fait, on a un peu travaillé de la même manière finalement que ce qu'on faisait avec Panique au village, c'est-à-dire, c'est vraiment comme. C'est pas bien dessiné, c'est vraiment très brouillon comme ça, mais c'est. Ce qui est important, c'est ce que ça raconte, c'est ce que les coups de crayon racontent dans les actions, dans les expressions des personnages. Oui, et il y avait un vrai travail aussi de réadaptation en dessin du texte de Daniel, qui était très littéraire quand même. Et donc là, il y a vraiment une autre période où on a vraiment dû... en fait, c'est comme une traduction, quoi, passer du texte à l'image, comme ça. Moi, je me rappelle du début du scénario... où en fait, au début, je crois, si je ne dis pas de bêtises, on ne la voit pas dessiner l'ours, enfin, on ne les voit pas dans dire que les ours sont méchants, etc. Ça, par exemple, c'est des ajouts, en effet, à un moment donné, on dit, là, il faut, l'animation va permettre en fait de travailler ça, il faut retravailler un peu ce qui est... Oui, oui, bah, il y a beaucoup de séquences qui ont changé entre le scénario et le premier animatique, puis le deuxième, puis je crois qu'il y a eu 5 animatiques jusqu'au définitif. Et oui, il y a beaucoup de choses qui ont changé, comme par exemple la scène du procès, elle devait être beaucoup plus concentrée sur les deux avocats de Ernest d'un côté et de Célestine de l'autre. Et puis finalement, les avocats ont pratiquement disparu et c'est devenu Ernest et Célestine qui eux-mêmes se défendent pour revendiquer ce qu'ils ont. Paniculage, maintenant c'est 26 minutes. Certains d'entre vous ont vu, bien sûr. Oh, moi, j'ai pas encore vu le nouveau, hein, malheureusement. Mais la bûche de Noël. Comment on fait quand on a des acteurs comme ça, est-ce qu'on les laisse improviser? Et encore une fois, évidemment, on parle de Benoît Poulvord parce que c'est peut-être celui qui est aujourd'hui le plus connu, mais tu fais la voix. De Cowboy par exemple, et tout, vous vous laissez aller en disant allez, on verra bien, et puis on coupera après, ou comment ça se passe? L'avantage avec cette technique, il n'y a pas de leaping, donc du coup, effectivement, oui, avec les comédiens, Benoît, il y a des indications, il y a des idées, oui, forcément, il y a quand même des trucs à raconter, mais Benoît, il, quand il démarre, d'ailleurs, il nous engueule après, parce qu'il a gueulé, il se casse sa voix, un peu comme j'ai là pour l'instant. Et mais on ne lui demande pas de gueuler comme ça. Mais en fait, il essayait au départ, il nous a expliqué, mais c'est parce qu'il essayait de suivre le rythme du petit bonhomme. Et c'est en fait, sans le savoir, il a insufflé cette espèce d'hystérie un petit peu malgré lui, parce qu'il essayait de suivre l'animation qui était un petit peu hystérique également. Donc, et du coup, on s'est rendu compte que ça marchait, quoi. Parce que faut savoir que. Une voix qui marche pas sur un truc comme ça, on voit tout de suite des bouts de plastique qui bougent et on n'y croit pas une seconde. Donc il faut, effectivement, on revient souvent sur le truc pour rendre la chose crédible et que ce personnage soit vraiment vivant. Quoi. Ça paraît bête, mais c'est en plus ça pour les 26 minutes, on dit il y a un storyboard, il y a quand même une production derrière qu'il faut, et puis d'un seul coup, ils arrivent à quel moment les acteurs, justement. Ben, quand on peut. Hein, c'est pas, c'est en fait, évident. Ben, là, c'est Vincent Tavier qui a fait la voix pour l'animatique, et puis on l'a enlevé par après. Mais par exemple, dans l'extrait qu'on a vu, quand Steven rentre et dit « Ah, Jeanne, qu'est-ce que tu fais? On doit partir, on doit aller chercher la bûche », c'était super compliqué à enregistrer cette phrase-là, parce qu'elle est vraiment complète, et elle est... En général, Steven, dans les autres films, c'est probablement des informations qu'il donne, il gueule. C'est comme un disque de Motorhead à fond, tu l'entends, si tu ne comprends pas les paroles, c'est pas grave. Sauf que là, il y a vraiment des choses fondamentales à dire, du coup, c'était vraiment très précis ce qu'il veut dire, et du coup, on a dû faire... Et c'est ça qui est aussi important pour le monteur son, c'est d'arriver dans Pro Tools à retravailler les bouts de phrases, parce qu'il fait plein d'enregistrements de la même phrase, et parfois il va rechercher un mot qui correspond mieux, et surtout qu'on comprend mieux, parce que quand il crie comme ça parfois, ou même moi quand je parlais Cowboy ou Vincent, parfois on a tendance, on part dans un truc, mais il faut que ce soit lisible le plus vite possible. Est-ce que vous êtes vos premiers spectateurs? Ça peut paraître bête comme question, mais souvent on pose la question, on se dit on va d'abord vérifier que le producteur, ça vient, puis après il y a les chaînes. Là, vous avez maintenant autour de minuit, il y a Canal+, etc. Est-ce que ça, ou est-ce que c'est vous? Je vous regardais là en train d'écouter, et ça vous fait autant rire encore aujourd'hui. Est-ce que ça, c'est important? Voilà, c'est vous. C'est-à-dire, vous regardez, ça vous fait rire tous les deux, par exemple. Vous êtes vos, Ouais, mais on n'est pas tout seul, hein, il y a plein de gens autour de nous. Puis je pense qu'on doit envoyer des trucs à Nico aussi chez Autour de Minuit, et puis pour avoir des retours. On est assez. Il y a la possibilité de vous dire d'un seul coup, ce gag-là, pour nous, il ne marche pas, par exemple. Oui, mais déjà avant, bien en amont, avant de tourner, de toute façon, on fait lire les stories à gauche, à droite. Il y a plein de copains qui lisent et qui disent ouais, ça, bof, c'est, ouais, on discute et on enrichit quand même les choses après. Mais il y a des choses qui nous on trouvait vraiment génial, super drôle et tout, puis finalement, c'est pas celles-là qui font rigoler, c'est plutôt à d'autres endroits, c'est bizarre. C'est... L'expérience en salle est intéressante, parce que c'est vrai que c'était pas du mobilage, vous l'aviez, c'était série, ça a énormément marché ensuite quand c'était mis sur, évidemment, sur Internet. Ce qui fait que de voir d'un seul coup Panico Village, le long métrage en salle, c'est d'un seul coup une expérience complètement différente par rapport à votre travail. Oui, c'est vrai. C'est vrai que par rapport au format de 5 minutes, passer directement à long métrage et de raconter. De faire vivre ces personnages pendant une heure. En fait, dans le long métrage, je pense que ce qui marche super bien, il me semble que ça marche bien, c'est les 25-30 premières minutes où là, on commence vraiment à mettre en place les personnages et chaque fois, c'est le portrait de ces personnages qui... c'est à la fois de situer où se trouvent les éléments et les faire cohabiter, jouer avec le téléphone, par exemple, c'est ça. Il y a pas mal de jeux son hors cadre aussi, vous jouez énormément là-dessus, où on attend bien sûr qu'est-ce qui va se passer, où ça paraît, c'est quelque chose d'énormément travaillé, parce que c'est dur de faire de la, on sait bien, de la comédie. Ça fait partie de l'écriture, c'est un truc, évidemment, il y a, en dehors du cadre, il y a plein de choses qui... Mais souvent c'est assez peu utilisé, je trouve, et notamment en série ou en humour. Ça spatialise aussi, ça rend crédible tout ce qui vit dans l'image. Et forcément. Puis c'est chouette quand même de... Moi, je sais pas, quand je reviens aux bandes dessinées, moi j'adore dans les bandes dessinées quand t'as un personnage qui est au centre et qui entend quelqu'un qui est hors cadre et qu'on sait qu'il entend quelque chose parce que c'est juste des petits trois traits qui font en train de dire « Ah oui, regarde les trois traits, il y a quelqu'un qui est en train de parler. » C'est comme du théâtre. C'est quoi là, en fait, les personnages que vous avez fait, ces personnages avec plaisir, sur des marchés que vous avez trouvés aujourd'hui, c'est quasiment des icônes. Là, je voyais le bruit, c'est des icônes, le bruit du gris en salle, et à peine, ils ne savaient pas, et à peine Cowboy Indien arrive sur l'écran, que les gens rigolent dans la salle avant même, finalement, Cowboy Indien est en place. C'est un peu pas terrifiant, mais c'est bon, chaque nouvel épisode va être attendu, au contraire, c'est un plaisir de se dire, il y a une base comme ça de gens qui adorent, et on va se faire plaisir avec. Je crois que, en fait, avec cet univers-là, on s'amuse vraiment à raconter des histoires. C'est un peu, t'as une guitare, tu joues dessus, t'improvises. Donc c'est un peu le même truc, quoi. C'est nos notes de musique. Et on continue à raconter. On aime bien cet univers qui. Ouais. Et est-ce qu'on va retrouver des. Hop, ça. Alors la qualité est vraiment pas bonne, désolé. Eux, on va les retrouver un peu. Ces personnages que vous avez repris notamment pour Lille, justement à la fête de l'animation, pour l'image. C'est dommage, mais moi j'adore les battues, je trouve ça assez incroyable. Malheureusement, ça paraît assez peu. Est-ce qu'il y a une envie de les ramener un peu sur le devant de la scène comme ça? Ce serait quand même on avait fait un pilote où on avait développé tout un univers qui s'appelait Les Tout-Plats, dont faisait partie la famille Baltus. On va voir ce qu'on pourra en tirer une fois. Mais moi, rétrospectivement, quand je repense au papier découpé, un truc qui me faisait vraiment rigoler, c'est les... Je, je, quand j'ai, Je crois que c'est le plus gros fou rire en regardant la télévision, c'est de voir les animations de Terry Gilliam, genre avec des petites feuilles qui tombent d'un arbre en faisant du bruit. Enfin, c'est tellement basique et fait sérieusement pour nous faire rigoler que ça marche. Quoi. J'étais dans un festival également à Limafès, à Grèves, et on faisait une rétrospective justement qu'on avait appelée Animalarchie, où il y avait cette idée de, entre guillemets, pas mauvaise animation, mais animation jetée. Est-ce que vous sentez bien dans cet univers? Il y avait Terry Gilliam, évidemment, il y avait plein de choses. Est-ce que vous sentez dans ce plaisir-là, finalement, de l'animation? On voit bien, il y a la gobe, je sais pas comment, enfin, qui retient les personnages, on la voit, tout est montré sur l'écran, il n'y a pas... Ça, c'est quelque chose que vous revendiquez, cette idée de côté un peu punk. On ne fait pas exprès. Oui, c'est ça, c'est... Non, mais on aime bien, oui, on aime bien la matière, ce qui est brut, enfin voilà, oui. Non, si je demande ça, c'est plus par rapport à la durée, c'est-à-dire que c'est des films qui sont, par exemple, à 26 minutes, depuis le début de l'écriture jusqu'à la fin, le dernier jour de tournage, ça vous prend combien de temps, par exemple? Bien, pour le dernier, la rentrée des classes, on a commencé la prépa, il marche encore celui-là, oui, je sais pas, malade, hein, c'est... Ça y est, c'est... Ouais. En fait c'est moi qui l'ai fait trop tourner, on est trop là, vas-y. Et on a commencé début mi-avril, je pense, la prépa des décors et le tournage septembre, octobre, novembre. Et on a terminé avec le bruit du gris, une semaine de tournage. On a profité de l'installation. Est-ce que vous avez l'impression de tourner plus vite aujourd'hui qu'à l'époque, ou alors les 5 minutes, vous aviez une énergie qui était différente? Ouais, je crois qu'on est plus, on fait plus attention maintenant. Dans les 5 minutes, on tournait vraiment très vite. Parce qu'on faisait plus ou moins l'équivalent d'un épisode par semaine. Et que oui, en fait, on faisait ça par 6 épisodes à la fois. Et toutes les scènes qui se tournaient dans la cuisine, par exemple, ben, en fonction de tous les épisodes, on tournait tout d'un coup. Et voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? Juste comme d'habitude, je vais vous demander, puis je vais vous dire. Je me rappelle une table qu'on avait fait sur panicolage de films, et je vous avais demandé, bah tiens, pourquoi on voit le chocolat et cette fameuse scène de la tartine, en disant pourquoi ça n'avait pas été fait avec de la pâte à modeler. Et je crois que toi qui m'avais dit, bah le chocolat c'est tellement bon, c'est tellement. On ne va pas faire de la pâte à modeler, il faut qu'on sente ça. Il y a des plaisirs comme ça, il y a des choses où vous dites, bah ouais, ça c'est une évidence, on va le travailler de cette manière-là, et puis. Ouais, d'ailleurs, moi, je me souviens vaguement de cette histoire de choco. Je crois que c'était évident, mais je crois que c'était avant de tourner la scène. Hein, on s'est dit, bah, on va prendre du vrai choco, parce qu'on n'avait pas vraiment réfléchi longtemps avant. C'est vraiment devant la caméra, justement. On s'est dit, bah, tu vois, ouais, pourquoi pas, on va essayer ça. Il y a quand même donc une petite part, pas d'improvisation, mais presque au dernier moment. Non, on était quand même à peu près sûr qu'on allait utiliser du choco, mais on ne savait pas exactement ce que ça donnerait à l'image, tout en étant... Tout le monde sait c'est quoi du choco, donc on se doute bien que ça va bien donner à l'image, parce que quand vous voyez du choco, vous avez envie de le bouffer, donc c'est que ça a bien marché. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Bonjour, merci d'être là. Moi, Panique au village, c'est quelque chose qui m'a fait extrêmement beaucoup rire. J'ai beau le re-regarder, j'adore ça. Et du coup, j'aimerais savoir comment, si vous avez des astuces pour écrire de l'humour finalement, et de l'avantage d'être à deux pour faire ça, si vous pouvez en parler. Trois. En fait, on n'est pas deux, on est trois. Pour écrire les histoires de Panique au village, on fait vraiment beaucoup, beaucoup de dessins, beaucoup de morceaux de storyboard où c'est juste, essayez. Ça commence par une petite étincelle, puis on essaie de faire du feu, puis ça ne marche pas, donc on recommence tout. Enfin, il y a énormément de feuilles de papier A4 avec des cases, 6 cases sur le papier, avec des projets d'histoire, et puis finalement ça n'aboutit pas, donc on passe à autre chose. Et parfois de ces petits morceaux d'histoire, on peut en tirer une mini-séquence qui pourrait servir à un projet où on sent qu'il y a plus d'inspiration pour raconter une histoire plus longue, comme le 26 minutes. Donc c'est vraiment, là-bas c'est des dessins, et puis quand on a fait ces dessins, quand on commence à voir émerger quelque chose, on met ça sur des grands cartons. Et puis on en discute avec Vincent Tavier. Vincent Tavier regarde un petit peu ce qu'on a fait. Et puis à partir de là, on commence à discuter. On dit, ouais, dans quel univers on a vraiment envie, où est-ce qu'on a envie de placer Cowboy Indien? Surtout si on parle de Cowboy Indien, c'est à la fois des discussions, des grands silences, des dessins, c'est un peu tout ça qui est mélangé. Et puis parfois ça, oui, c'est ça. En fait, ça peut durer une après-midi. Et à partir de ces discussions, de ces dessins, moi, je sais que je commence à bricoler un petit storyboard, tout ça. J'essaye de monter une petite séquence. Et puis, on laisse un peu reposer. Et puis, on regarde ça. On dit, ouais, ça commence à prendre forme. On va un peu plus loin. Et puis là, on commence à voir quelque chose que ça flotte. Du coup, on revient en arrière. Enfin, c'est vraiment... Il n'y a pas de... Pas de règle. Non. Quand on a deux, trois personnes qui travaillent ensemble, souvent, on demande qui s'occupe de quoi, comment on travaille. Là, on a l'impression que vous travaillez. Est-ce qu'il y a quand même un qui se dit, moi, je travaille plus sur le scénar, plus sur le storyboard? De toute façon, le dessin de Stéphane se prête vraiment bien au truc parce qu'il y a déjà une énergie, un truc... Mais sinon, on dessine tous les deux. On ajoute chaque fois des couches, une espèce de stratification d'idées, comme ça, de Vincent Tavier, de Steph, de moi, puis voilà. Et puis, c'est Stéphane qui réunit le tout à la fin et qui fait le storyboard avec déjà cette énergie qu'on retrouve et qu'on garde déjà dans le... Enfin, qu'on a déjà dans l'animatique, et puis après, parce qu'il a un dessin super, super vivant, ça bouge déjà, quoi. Il y a besoin d'avoir une humilité, c'est pas forcément terme, mais se dire, on s'en fout de savoir qui a une idée au départ, et finalement de mélanger toutes les idées en cherchant même pas. Oui. On part toujours de l'idée qu'on est au service de quelque chose, et donc on donne ces idées au film, Oui. Par exemple, si je suis en train de travailler sur une séquence en storyboard et que j'ai mis en place par exemple, le prochain épisode s'appellera La foire agricole, et comment représenter la foire agricole? On a quelques idées, mais... comment graphiquement représenter l'entrée de la foire? Alors que c'est un peu comme si vous alliez au festival un grand festival en Angleterre, enfin un truc qui c'est l'ultime période, enfin le truc le plus important dans l'année. Et mais comment représenter ces choses-là? Et du coup, quand j'en discute avec Vincent, il commence à faire des dessins pour représenter un petit peu à quoi ça pourrait ressembler. Ben voilà, et puis à partir de là, moi, ça me donne des idées pour partir dans d'autres choses. J'ai l'impression, est-ce que c'est vrai, il y a toujours beaucoup d'étudiants dans la salle, que il n'y a pas de réflexion, enfin, au début, il n'y a pas l'idée de se dire, on va faire des personnages, on veut s'amuser avec eux, on ne sait pas si ça va marcher, si ça ne va pas marcher. Vous êtes conscient, évidemment, je suis content de vous avoir, vous êtes conscient, évidemment, qu'il y a un public derrière, mais j'insiste tout à l'heure quand je disais, c'est vous votre premier public, et vous dites, voilà, il y a quand même une équipe. C'est un bon équilibre, je trouve, entre les deux, c'est-à-dire quelque chose qui est très personnel, enfin, Palico Village, c'est vraiment vous, et il n'y a pas de problème, et à la fois, ça plaît aussi à un public assez large. Je trouve que c'est un équilibre qui n'est pas toujours évident à avoir. Est-ce que vous y avez réfléchi ou non? C'est comme quand je vous disais, vous avez peur, vous disiez, c'est nous, quoi. on va pas chercher. Est-ce qu'après, ce qui est Panico Village, les Batus, etc., c'est vraiment vous, sans phare, on va dire? Je ne sais pas si c'est une question ou si c'est quelque chose. Je crois que... Ouais, tu voulais... Non, bah... non, mais je crois qu'avec le temps, on fait un peu plus gaffe quand même. Ouais. Je crois que depuis Ernest et Célestine, on précise un peu plus les choses, on s'adresse, on fait un peu plus gaffe pour les enfants et tout ça. Ouais. Et donc, oui. Et tout en adressant ces trucs aussi aux adultes. C'est que c'est le langage, c'est qu'elles connaissent la vache. Cette vache, on l'aurait peut-être plus aujourd'hui. Ouais, peut-être bien, oui. Ça vous manque ou non? De toute façon, c'est une autre manière de s'exprimer, c'est bien aussi. Je sais pas si on pourrait quand même oui, qu'elle connaisse bien, je pense que c'est pas très grave. Non, au niveau du langage, je crois qu'on fait, on essaye que ce soit le plus clair possible, comme on disait. Oui. C'est peut-être par rapport à avant. Parfois, on nous reprochait, par exemple, la voix du cow-boy très hystérique et un peu chiant parfois. Et donc, on essaye quand même de garder cette voix-là, mais dès qu'elle soit un peu moins pénible. Mais sinon, au niveau des dialogues, on essaye pas de faire on ne va pas faire des gros mots pour des gros mots. Il faut juste que ça ait l'air, naturel de sortir de la bouche de cow-boy d'Indien ou des autres personnages. Dernière question, est-ce qu'on vient souvent vous voir et faire cow-boy indien, faire les personnages, et ça vous arrive souvent des gens qui imitent et qui vous demandent absolument de le faire, enfin voilà, qui sont ça, c'est, ça arrive souvent. Je vous dis ça parce que je disais l'anecdote de Franck Dion et Denis Balganowicz qui nous disaient comment il y a un lien dans sa bouche dans un festival. Et je me demandais s'il y avait plein de gens là, qui essayaient d'imiter. Comment il y a un lien avec vous ? Non, jamais. Si on leur fait des baffes. non, mais c'est... Oui, c'est déjà arrivé, mais pas tellement. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous. Merci à vous deux. Merci.